Ils sont des hommes belles, amen. Ils sont des hommes belles, amen. Ils sont des hommes belles, amen. Oh, alléluia. Oh, amen. Zambé na bon moi, amen. Zambé na bon moi, zambé na bon moi, amen. Zambé na bon moi, zambé na bon moi, amen. Oh, alléluia. Oh, amen. Zambé na bika moi, amen. Zambé na bika moi, zambé na bika moi, amen. Zambé na bika moi, zambé na bika moi, amen. Alléluia, kolo, oh, amen. Zambé nanguya, amen. Zambé nanguya, zambé nanguya, amen. Zambé nanguya, zambé nanguya, amen. Alléluia, kulu, amen. Ye motambwisi motambwisi nanga, ye motambwisi motambwisi nanga. Oh, alleluia, kulu, oh, amen. Kulu, yemo bateli nanga, yemo bateli, yemo bateli nanga, yemo bateli, yemo bateli nanga. Oh, alleluia, oh, amen. Dieu Tout-Puissant est merveilleux. Bienveillant Père Céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ pour te rendre grâce et hommage pour ce moment merveilleux que tu nous accordes au chemin du Seigneur. Nous venons tels que nous sommes, que tu nous laves dans le sang de Jésus-Christ, la fontaine qui coule des veines d'Emmanuel, fontaine des sangs. Le pécheur plongé dans ses bras, perd de toutes les traces des souillures. Ils sont nettoyés, purifiés, rendus agréables à Dieu, acceptables devant les droits. Nous réclamons cela au nom de Jésus. Que Seigneur, tu les fasses pour nous, afin que tu nous agrées devant toi. Et que dans notre amour pour toi, de la victoire sont notre victoire. Et ta volonté s'accomplisse. Accueille-nous, Seigneur, favorablement, dans le tapis de bienvenue, construit le sang de Jésus-Christ. Il a été répandu pour nous. Parle à chacun, Seigneur. Parle à chacun de nous. Alors, tu nous sondes et tu nous connais. Nous sommes indignes de ça. Et nous venons te les confesser au nom de ce peuple. Car tu nous vois partout. Il y a des choses indignes, inconcevables, qu'un frère ne peut pas faire, qu'une sœur ne peut pas faire. Si elle est sérieuse, si elle craint Dieu, si elle est sérieuse, si elle craint Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas faire. Mais il y en a parmi nous qui le font. Et nous sommes vraiment désolés. Comment après autant d'années, Jésus ait répandu son sang, il y a encore des gens qui invoquent le nom du Seigneur, qui citent son sang, et qui forment mal ici, délibérément. Parfois inconscient. Change nos seigneurs. Change cette église. Que la crainte de Dieu s'empare de nos cœurs. Que chacun ait de freins dans ce qu'il dit. Que nous sachions coudre nos lèvres. Pas dire n'importe quoi. Nous t'offrons nos cœurs. Priant que tu nous assistes. Non pas pour abuser de la confiance que tu nous donnes, mais pour réclamer vraiment les secours de Dieu. L'Église en a besoin pour atteindre la perfection. Tu es le témoin dans la nuit, invisible là-haut, mais c'est toi qui vois tout. Que personne ne s'endurcissent par l'hypocrisie, par l'orgueil et par l'incrédulité. Que chacun de nous s'humilie pour rentrer en lui-même et donner gloire à Dieu par sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. Dans Matthieu au chapitre 17, nous prenons le verset 11. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils que lui doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai que lui doit venir et rétablir toutes choses. Verset 20 à 25. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Tala yano, tala aya, kenda kubila bangote. Et puis, le Kali Kali, on a écouté la Yango, écouté la Ka, na Epaï, Moko, na le Kolo, qui n'a pas le Sosu. Bongo, moi, la Namoto, à Kojala, na Makolo, na Yé. Mais les bossons, écoutez, na Yé, comment n'a pas si, na Makambo, Mingi, Pé, ko Boyama, na Libota, Oyo. Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous asseoir au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons la bienvenue à cette table du Seigneur. C'est un souhait. Il faut le recevoir. Un bon souhait. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Nous allons proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, sujet de notre amour, objet de notre adoration. Jésus-Christ, il est Dieu comme on l'a chanté tantôt. Il est le Dieu vivant et le Dieu tout-puissant, le Dieu de miracles. Que la gloire soit rendue à son nom. Et nous avons confiance qu'en ce temps, ce que nous faisons pour lui, lui sera agréable. Non pas par nos mérites, mais à cause du principe de sa grâce, en vertu de laquelle, lui-même qui était mort, qui est ressuscité, annoncera la lumière au peuple et aux nations. Et les îles des nations espéreront en son nom. Les îles des nations et espérons en son nom. L'âme des gens qui habitent dans des îles, des endroits très froids là, prisés par des courants de vent, des températures diverses. Que soit le coin de la terre où vous trouvez, les îles des nations espéreront en son nom. Nous pouvons compter sur ce nom et être sécurisés. Nous pouvons l'appeler sur la scène et avoir ce qu'il faut. Que Dieu soit loué. Alors, nous poursuivons. Ok. Nous poursuivons notre thème. Ici, nous sommes en train de parcourir. Le thème, c'est comment éprouver le ministère. Mais nous sommes en train de parcourir le ministère de William Branham. Et par la grâce que Dieu nous fait, examiner ces choses comme jamais auparavant. Nous sommes toujours dans la marche. Et Dieu nourrit ses enfants chemin faisant. Un bien-aimé m'a appelé hier. Il a dit, il mangeait même, mais il écoutait la prédication de mercredi. Il dit, pasteur, j'étais trop fort, j'ai dit arrêtez pour vous appeler. Alors il dit, j'ai dit même à ma femme, voilà pourquoi il faut toujours écouter la parole de Dieu. Continuez à écouter la parole de Dieu. Il dit, voilà une chose de ce qui vient d'être dit ici. Moi, avec toutes ces années dans la foi, moi je connaissais que c'était comme ça. Ça vient d'être cassé. Pourtant, nous pensions que c'est pour vous connaissez. Mais maintenant, en examinant, voilà que la lumière vient. Nous devons quitter les illusions, quitter les à peu près, et avancer dans la connaissance des choses. Dieu a dit dans Ephésiens 4, voyez ce qu'il a dit ici, tournez les versets 11, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps des saints. Mon verset a été déjà commenté ici. Déjà? Et vous en avez une bonne idée? Vous allez dans le calisme à la mouille. L'œuvre du ministère. C'est quoi l'œuvre du ministère? Parce qu'il en est question ici. Qui peut dire c'est quoi l'œuvre du ministère? L'œuvre du ministère. C'est quoi? Quelqu'un peut-il dire? Oui, frère Guigui. L'édification du corps de Christ. Qui dit mieux? L'œuvre du ministère. Mais c'est quoi l'œuvre du ministère? Frère Jean. L'œuvre du Seigneur. Qui est effectué par les cinq ministères. Ok. Qui dit encore mieux? Parce que ce passage a déjà été enseigné. Il n'y a pas trois mois. En parlant de l'appel de William Branham. Et nous avons mis en relation Ephésiens 4, verset 12, Il s'élèvera comme à Gabaon. Et ceci dit comme ça. Il a montré le point culminant du ministère de Jésus-Christ. L'œuvre du ministère. Quel ministère? De Jésus-Christ. Voilà. Qui peut dire encore quelque chose à ceci? Les sœurs, personne? C'est une question de la parole, hein? Cacher une ignorance grâce. On a kobomba kozanga boyebi ya monene. Donc kozanga boyebi ya salité. Donc umani mutu musoko kozala ayebi lokote mais c'est un peu propre on peut comprendre. Mais kozanga boyeba mususu ezaka ya kozanga boyeba ya salité. Donc ezo sala na motema passe. Esengeli zalate. Donc les kamoyo, les sengeli koyebana, et sengeli eyebana. Pour les enfants de Dieu. Pour la bonne enzambe. Voyez le musique 100 kilos de 2 Timothée 3. Hein? Il y en a qui entrent, ces séducteurs là, qui s'opposent à la vérité. Qui entrent dans des maisons, des femmes chargées de péchés. Apprenant toujours. Et il ne faut qu'apprendre, mais il ne faut pas jamais parvenir à la vérité. Et ils sont la proie de ces séducteurs là. Ils leur racontent des choses auxquelles ils vont faire confiance. Mais la véritable vérité, ils ne vont pas rester. Pourtant, elles apprennent toujours. Mais ce sont des femmes chargées de péchés, chargées de d'iniquité, bousillées, 500 kilos. Après, ça, quand tu as besoin de moi, tu n'as pas besoin de moi, quand tu as besoin de moi, mais vous avez besoin de moi, vous avez besoin de la salité, vous avez besoin d'ignorance, grâce. Hein? Il faudrait que nos enfants de Dieu se connaissent quelque chose. Est-ce que vous dites amen? Dieu veut que nous puissions parvenir là. 1 Timothée 2, verset 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est de la volonté de Dieu. Tous les humains doivent être sauvés. Dites-moi alors qu'ici il s'agit que des hommes. et que Dieu ne veut que le salut des hommes, pas des femmes. Est-ce que c'est ce que vous voulez entendre par là? Comme échappatoire pour aller se cacher dans les hommes. Dieu a dit les hommes, tous les hommes. Nous ne sommes pas les hommes. Donc, c'est que Dieu ne veut pas que les femmes soient sauvées. Il s'agit ici des êtres humains. Qu'ils soient hommes ou femmes, Dieu veut que tous soient sauvés. Et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mais il y a des femmes, 2 Timothée 3. Ça c'était 1 Timothée 2. Il y a des femmes. Et je ne veux pas qu'il y en ait de cette espèce. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours traquer. Revenir. Il faut négliger à la Mouganapongi. Il est dit, ce que les hommes feront. Au temps de la fin, 2 Timothée 3, verset 5 à 8. Non, verset 5 à 7. Parce que l'insistance est au verset 7. Et ayant l'apparence de la piété. Et reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux. Ils s'introduisent dans les maisons. Et qui captivent des faibles femmes. Chargées de péchés. Agitées par des passions de toute espèce. Apprenant toujours, yo yaka kaka n'église. Sérieux, yo pa yaka ko yeko na tsuma kama sango malamu n'église. O yaka kaka. Mais est-ce que tu retiens la vérité? Comme on l'a appris mercredi. Retenir. Kusimba. Soutenir. Kuzalangambo na ngo. Maintenir la vérité. Kufandi sawa solo. Retenir, Kusimba, soutenir et maintenir la vérité. Il ne s'agit pas des verbes de groupe 1 ou 2 ou 3 ou 5. Il s'agit de la parole de Dieu pour nous. Retenir, Kusimba, soutenir et maintenir la vérité. On ne pas se laisser égarer, on ne pas se laisser éloigner de ce monde. Alors, il en est parmi eux, de ces gens qui ont l'apparence de la piété. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Et qui captivent des femmes, des faibles femmes. Basibi, l'embele. Des faibles femmes. Basibi, l'azoba. Bilemba. Yazoba, c'est insensé. Bilemba. Nous on sommes Elemba, foi, Elemba, vie de prière, Elemba, spiritualité, Elemba, méditation de la parole, Elemba, lecture de la Bible, Elemba, Koyokamban de message, Elemba, tout, toujours Bilemba, l'embele, l'embele. Et là, ça ne va pas. Et ces hommes peuvent vous captiver. Oh, c'est une prophétie pour toi. Mais quand on présente la parole, l'évangile, Non. Ici, on dit que ces femmes-là sont chargées de péchés. Agitées par des passions de toute espèce. Mais apprenant toujours. Pour ce qui est d'apprendre, elles sont disposées à apprendre. Malheureusement, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc connaître la vérité comme elle doit être connue. Elles n'atteignent jamais ce point-là. Elle semble toujours trouver un prétexte. Pour se cacher à gauche ou à droite. Les sœurs du tabernacle chrétien, pas comme ça. Les filles de Dieu, nous voulons aussi le salut de vos âmes. Dieu qui veut que tous soient sauvés. Le même Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alors ne négligez pas la connaissance. Il faut connaître la vérité. Retenir la vérité. soutenir la vérité, maintenir la vérité. Lorsqu'on veut la bouleverser, on veut la renverser. Nous la combattons pour maintenir. Ce qui est vrai doit demeurer vrai. Même si nous faisons des revérifications, et la vérité doit être celle qui triomphera. C'est d'accord? Alors, l'œuvre du ministère, qu'est-ce que c'est? Alors, frère Jean voulait améliorer. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui provient des Ephésiens 4. Et c'est pour cela que cela nous concerne. Et j'ai vu frère Joseph lever aussi les doigts, oui. Frère Joseph Balema. L'ensemble des œuvres que notre Seigneur Jésus-Christ avait produites. C'est Jésus-Christ au travers de ses serviteurs. Est-ce que tu réalises que c'est deux choses différentes? Ce que tu dis là, c'est deux choses différentes. L'ensemble des œuvres que le Seigneur Jésus-Christ avait produites, ça c'est l'histoire donc. Si l'œuvre du ministère c'est de l'histoire, l'ensemble des œuvres que le Seigneur Jésus-Christ avait produites, donc quand il était sur terre, on peut comprendre. Donc c'est de l'histoire. Mais maintenant, ici, dans Ephésiens 4, verset 12, c'est un aboutissement d'un processus. Non pas de l'histoire, mais l'avenir de l'Église. Et c'est le devenir de l'Église. Elle doit atteindre ce niveau. Alors, Frère Guigui, vous voulez améliorer encore. Elle consiste à présenter Christ par la parole de la vérité. Wow! Merci frère Guigui. Oui, frère Rémi Momba. Très très bien. Voilà au moins. Ah, que Dieu te bénisse. Même pas un bon âme. Toi au moins tu t'es approché vraiment de la pensée. Les autres ont essayé de défricher autour. Ça a été commenté ici. Citation du message. Pour montrer qu'il y avait un pont entre l'Église croyante va pouvoir reproduire le ministère de Jésus-Christ ici sur terre. Et là-dedans, toutes les œuvres que Jésus-Christ avait faites doivent être reproduites par l'Église. Le travail qu'il avait fait et la nature qu'il avait d'être la parole, l'Église doit devenir parole. Parole de sa parole, esprit de son esprit. C'est quelque chose de si important. Nous avons pris des jours et des jours à parler de la parole. Il ne devait pas boire du vin, ni de l'alcool, qui boit enivrante, qui essuyait son corps d'aucune façon, parce qu'il y avait une œuvre que Dieu devait accomplir par lui, quand il serait plus âgé. Nous avons montré que cette œuvre-là, dont Dieu lui a parlé, avait pour sous-bassement biblique Ephésiens 4, verset 12, Esaïe 28, verset 21. C'est de l'œuvre du Seigneur dans la phase terminale. Le temps de l'achèvement Il y a des choses qui peuvent vous échapper. Et pourtant, elles sont importantes pour votre cas. Et la parole est enregistrée. Sachez que c'est pour votre bien. Personne n'entrera au ciel dans la paresse. Ah, ouais, Amen. Balindi Sami. Osso maîtrise nous. Ah bon? Mais maintenant cette Bible, nous l'avons lu combien de fois? Il y a aussi le temps dans nous, Balaboni. Ce qui est le fait que vous avez une assemblée, ce qui était fait. Et que nous avons la perte de temps. Mais Bible, on va verser au temps dans le bel et bien. Tout est là au temps dans nous. Pourquoi c'est au temps dans nous déjà? Bien aimé. Les choses de Dieu, on ne les gère pas comme ça. Arrêtez la légèreté. Nous devons méditer la parole. Revenir sur ce que nous avons entendu. Nous attacher encore davantage. Trouver du temps pour le Seigneur. Assez de temps pour lui. Parce que tout ici va passer. Notre âme a besoin de vivre éternellement. Il faut nourrir cette âme. Il faut l'édifier et l'entretenir. Amen. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut qu'ils soient sauvés tous. Et il est lui-même le sauveur de tous les hommes. Mais surtout de ceux qui croient. Et vous qui avez cru, donnez l'importance au salut de vos âmes. N'aimez pas la paresse. Oui. Il y en a même à qui nous envoyons les prédications, mais qui ne les écoutent jamais. Jamais. Hein? Et il reçoit, il n'écoute pas. Vous pensez que si une personne pareille rate l'enlèvement, ce sera la faute de qui? C'est parce que Dieu n'est pas bon. C'est parce que Dieu n'est pas bon que cette personne va rater l'enlèvement. Cette personne est méchante. Elle a un cœur mauvais. Sciemment, il ne veut pas trouver du temps pour nous. Au culte, on n'est pas régulier. Prédication réussie, on n'écoute pas. Mais nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous irons au ciel. Ok. Ce sont les violents qui s'emparent. Les revers resteront libres. Le temps vient, continuez à blaguer. Le temps vient. Où ça vous sera précieux. Vous ne courrez plus. Et Dieu nous aide à nous sacrifier pour le royaume de Dieu. Nous devons nous battre. Et c'est là pour vaincre. Que Dieu assiste chacun de nous. La grâce est encore là. Mais n'en abusons pas. Profitons-en au contraire. La grâce de notre Dieu. Donc ici dans Ephésiens 4, là le Seigneur a dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, verset 13, à l'unité de la foi, et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez que ça cadre avec ce que nous avons dit sur la vie. Nous devons tous parvenir à ce niveau. Que les talents mesurent soit Jésus-Christ. Et que les disciples, les croyants, nous soyons comparables. Et une fois que Dieu compare, il voit que c'est la stature parfaite. Ce que Christ était, c'est ce que les croyants sur le ministère sont devenus. Par la grâce de Dieu, nous y parviendrons. Même si l'église semble réprochable, elle semble faillir ici ou là, ne désespérez pas. Nous sommes dans un processus irréversible. Dieu a déjà commencé son œuvre et elle produira le résultat attendu. L'aboutissement sera là. Jésus-Christ sera reproduit dans les choses naturelles. On verra ce que Paul a dit, le mystère. En vous, l'espérance de la gloire. Et ce Christ-là en vous ne sera pas qu'une idée, une conception, mais ce sera une réalité dans les croyants. Veux-tu être l'un d'eux? Malheureusement, ce n'est pas tout le monde. Quand on lit là tous, hein, ce n'est pas chaque membre de chaque église locale. Mais Dieu parle de ses élus. Peut-être que parmi nous, il n'y en a qu'un certain nombre. Et ce sont ceux-là en qui ces choses se matérialiseront, s'accompliront. Ils sont témoins de l'œuvre que Dieu a commencé à faire. Ils savent d'où le Seigneur les a tirés. Où est-ce que le Seigneur les a déjà amenés? Et ils ont confiance qu'ils finiront du bon côté. Et ils marchent avec Dieu de manière assidue. Prions et cherchons la face de Dieu pour que l'œuvre commencée soit rendue parfaite. C'est pas tout le monde. Vous allez battre dans ce c'est pas tout le monde ici. Attends, ça a été à l'heure de la France. Ils sont assis ici. Bayou, ils sont bien à la raison, les Ganango. Bazawa, parmi les frères ici, ils sont. Même à Tatoro Belango, vous voyez. Ils ont bêta Kamoutou et Léki. Ils sont pas concernés. Ils n'ont pas cette soif intense. C'est besoin ardent de progresser avec et d'atteindre le but visé par la Bible. Ils ne sont pas là. Ils sont à l'église pour d'autres choses. Pour d'autres intérêts. Pour d'autres préoccupations. Ils peuvent entendre parler de ceci. Ils sont là. Pas soi. Or, j'essaye de dire ça pour gagner encore ne plus qu'une âme. Entre ceux-là qui manquent de profondeur, qui viennent s'asseoir à l'église comme un sac de ciment, il est tout froid du début à la fin, rien ne bouge, et il retourne chez lui à la maison. Or, on ne vient pas à l'église comme ça. Comme un sac de foufou. Pour se poser sur une chaise. Pour et puis retourner à la maison de la même manière. Attention, monsieur. Dieu a commencé une œuvre. Et Paul a dit dans Philippiens, que lui était que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfait pour le jour de Christ. Quand Christ viendra sur vous, pour que l'œuvre commence et y atteint la fin, qu'elle soit devenue parfait. Et Paul a dit bien exhortant tout homme et instruisant tout homme afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Est-ce que tu as vraiment soif de la perfection? De devenir littéralement parfait. Est-ce que ce besoin-là est-il au-dedans de toi? Ou tu fais seulement des va-et-vient en l'église? Des va-et-vient. Des autres qui nous allaient, jour où on est pays à l'acquis. Mais c'est plus que ça. Il est écouté en nous. Il doit y avoir un besoin réel de devenir ce que Dieu a prévu. Devenir parfait. Ici sur cette terre. Le devenir. Maintenant tu dois regarder ce que tu es jusque-là. Et voir ce que la Bible dit. Là où le Saint-Esprit a mis la barre très haut. C'est que toi, tu es en bas là-bas. Oh, ça va t'amener à ce que nous nous sommes exhortés hier. Le brisement et les louanges à Dieu. Rentrer à nous-mêmes. Il nous faut être brisés. Parce que le sacrifice que Dieu ne dédaigne pas, c'est un cœur brisé. Il faut les lui présenter. Quand on regarde ce que nous devrons être, et nous voyons ce que nous sommes encore, nous avons alors pitié de nous-mêmes. Nous appelons Dieu au secours. Seigneur, je suis encore loin. À des milliers de kilomètres. C'est ce que tu veux que je sois. Mais j'ai confiance d'une chose. Je ne suis plus ce que j'étais. Et si je ne suis plus ce que j'étais, c'est parce que ta grâce m'a secouru. C'est par elle que je puis changer. Mais puisque sous quelques aspects, mais j'ai confiance. Toi, Dieu qui a commencé à faire, tu l'achèveras toi-même et tu la rendras parfaite. Il faut que cette veille soit dans nos cœurs. Que Dieu nous aide. Tu as l'église rhabillée là. Tabernacle là où ils ont une église, ils ont église, ils ont sauté. Je dois vous dire ça. Ici, nous sommes dans un processus. Ah, tu as l'état dans mon salon. Il faut que nous nous disions à te. Beaucoup de et des choses comme ça. Nous, on n'est pas ici pour ça. Nous sommes ici pour le royaume de Dieu. Vous allez prendre votre continent hein? Et notre bilan, ce n'est pas le bilan du gouvernement, les 100 jours du gouvernement. Notre bilan, c'est le niveau spirituel. Depuis que tu as entendu ce message, qu'est-ce qui a changé à toi? Tu es parti de quoi vers quoi? Tu ne peux pas dire, comment tu es devenu frère, tu es devenu sœur. Il y a quelqu'un qui a balancé les bras, la personne va et vient à l'église. Quelque chose doit progresser. Nous venons de quelque part, nous devons atteindre le niveau. Et nous sommes au temps de la fin, et ce niveau doit être atteint parce qu'il y a un autre sujet pour le retour de Christ. Le retour de Christ est déjà fixé. Il nous fait pression. Quand il va arriver, il n'y a que ceux qui seront à cet état-là. Ils seront bénéficiaires des promesses. Si toi tu seras en retard, tu rateras parce que tu n'es pas à niveau. Mais comme la Bible nous a exhortés, chers amis chrétiens, essayons de rentrer à nous-mêmes pour voir cette exhortation et sa pertinence. Hébreux 4, verset 1. Prenons donc, tandis que la promesse dans la repose encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il ne faut pas attendre de te réveiller quand ce sera trop tard. Réveille-toi du sommeil maintenant. Refuse la paresse. L'autoflatterie. La complaisance. Ne contamine-toi toi-même. Compare-toi au bon niveau. Ne limite pas de comparer à des frères et des sœurs. Jésus-Christ, l'étalon Jésus. La stature parfaite que Dieu veut voir, c'est Christ en moi. Je suis aussi saint que le frère là-bas. Je suis aussi saint que ce frère là-bas, vous êtes saint. Ah, je ne trompe pas. Pour modèle Jésus-Christ. Jean-Christ. Ce qu'il a fait et ce qu'il a fait. Est-ce que tu es capable de reproduire ça? Es-tu comparable à Jésus-Christ? Voilà la question. Es-tu semblable à Christ? Voilà la question. Es-tu un vrai chrétien? Le chrétien, c'est celui qui est semblable à Christ. Semblable à Christ. Apocalypse à Christ. Dans tes humeurs. Dans tes manières. Dans tes actions. Dans tes réactions. Dans tes œuvres. Es-tu semblable à Christ? C'est la question. Parce que c'est lui l'étalon mesure. La référence divine. Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Saint-Esprit a placé la barre là-bas. Maintenant, toi, tu es encore très en bas là-bas. En train de retourner dans la boue de l'incrédulité. Et de plaisir du monde. Et de convoitise des femmes. Hein? Et la vie des dettes. Et bon, mais tu es très bas là-bas. Jésus ne vivait pas des dettes. Il nous a appris que l'homme vit de toutes paroles qui sortent de la bouche. Relève-toi de là. Ton appel s'est passé. Tu t'appelles plus haut. Et tu vis dans un temps très dangereux. Un temps particulier. Où ta vie doit être à niveau avec la parole. Y a-t-il quelqu'un pour dire amen? Le message est là. Que la grâce de Dieu te soit favorable. Maintenant, parce que dans Ephésiens, il est promis ça. Frère Branham nous parle d'un Ephésien. Il devait venir. Hein? Et nous sommes dans cet âge-là. Alors, comme je l'ai dit en passant mercredi, j'aimerais peut-être ajouter encore des choses là, pour une haute qualification au sujet du temps dans lequel nous vivons. Êtes-vous prêts? Il dit ceci. Dans un paradoxe, Michel le 17 janvier 1965, un paradoxe. Nous vivons au temps des Ephésiens. Et les impacts des ministères, ça doit être la matière que nous échangeons. L'impact des ministères de la parole. Des vrais ministères établis par Dieu. Dans l'église du Seigneur, il est question de ça maintenant. C'est l'actualité du jour. Nous sommes au temps de Ephésiens. Et vous verrez ici que depuis même que le messager de l'âge est venu, le temps des Ephésiens est là. Parce que lui-même devait être un Ephésien. Êtes-vous là? Les Ephésiens, nous sommes à ce temps-là. Un paradoxe. Prêché le 17 janvier 1965. Au début de l'année, au mois de janvier. Le 17 janvier, ce n'était pas un jour commémorant. Un quelconque martyr là. Non, ici c'est un serment qui est prêché. On ne commémorait pas l'assassinat de Pampampin. En République démocratique du Congo, vous savez de qui il s'agit. Le 17 janvier 1965. Mais ici c'est la prédication de l'évangile. Et le titre c'est un paradoxe. Ok. Paragraphe 70 et 71 et puis le paragraphe 77. Mais on nous a promis, selon Apocalypse 10 et selon Malachie 4 et Saint-Luc 22 verset 17. Apocalypse 10, vous connaissez quelqu'un. Surtout le verset 7 qui a été évoqué ici il y a pas longtemps. Au jour de la voix, Septièmement, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme Dieu en avait annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes. Ça, c'est connu. On nous a promis, selon Apocalypse 10, et il y a encore, et selon Malachie 4, Malachie 4, n'est-ce pas que vous connaissez, particulièrement le verset 5, ils ont été exploités encore il n'y a pas longtemps. Je vous enverrai Élie le prophète. Avant qu'elle vienne ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. Pères viennent frapper le pays d'Israël. Vous connaissez la promesse. Et puis il dit, Saint Luc 22, verset 17. Il fait lire pour nous Saint Luc 22, verset 17. Dans sa Bible, Luc 22, verset 17. Oui. Est-ce que c'est une promesse? Je vous demande, vous, Église. Ce qui vient d'être lu là. Est-ce une promesse? On est allé là. Maintenant, prenez Luc 17, verset 22. Luca, Zomina Sambo, Moulonga, Tukumi Balembale. Je vous demande maintenant, est-ce que ce que vient d'être lu dans Luc 17, verset 22, est-ce une promesse? Oui. Voilà. Ça tranche. C'est-à-dire, ça vous montre là, qu'ici, il y a eu un lapsus. Une erreur de référence. Libunga. Bien que ça y est dans le paragraphe là, et que Frère Branham l'a dit, la pensée qu'il voulait présenter ici, c'est pas Luc 22, 17, mais c'est Luc 17, verset 22. En accord avec Malachie 4, Malachie Amine, et Apocalypse 10. Apocalypse 10 promet le septième ange. Malachie 4 promet Élie le prophète. Malachie Amine, Luc 17, 22 parle de la vie. Les disciples désireront les choses. Ce désir là viendra. Parmi les Juifs. Et les Juifs ne les verront pas. Mais si les Juifs ne les verront pas, il y a un peuple qui verra ça. Ce sont les gens des nations. Quelle grâce. Luc 17, 22. Et alors là, quand le Seigneur a continué à parler, dans Luc chapitre 17, il montre encore de quelle manière le jour du Fils de l'homme viendrait. Luc 17, après le verset 22, j'aimerais lire cet autre verset, le 24. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Donc, il compare l'avènement du Fils de l'homme à la percée de l'éclair partant d'une extrémité du ciel vers une autre extrémité du ciel. Extrémité du ciel vers l'autre extrémité du ciel. Dans Matthieu 24, pour revenir à la même pensée, verset 27, Matthieu 24, 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. D'ailleurs, dans D'un côté, il est question du jour du discernement. De l'autre, il est question de l'enseignement du discernement. Mais l'introduction de la pensée, c'est l'exemple tiré du mouvement de l'éclair. Mais Paris, ça part d'une extrémité d'éclair. Et se montre à l'autre extrémité. C'est qu'elle s'est montrée dans une extrémité. Et le jour passe, le jour évolue, mais c'est le même jour toujours. Nous sommes le même jour. À un autre moment, l'éclair qui se voyait à nous, dans l'extrémité du ciel, se montre à présent à l'autre extrémité. Et même chose, l'éclair part de l'Orient. Le point de départ, ce sont les temps primitifs. C'est le commencement des choses. C'est à l'Orient. Le lever du soleil. L'éclair part de là. Et puis se montre. Le même éclair. Et se montre à nos yeux. Et c'est aussi comparable au mouvement du soleil. Le soleil part de... Et il fait une course à... Le soleil part de l'Orient. Il attrape sa course à... Le même soleil que l'on a vu. Au courant des mêmes jours, le même soleil qu'on voit. Mais seulement, lui n'évolue pas à la vitesse de l'éclair. Le soleil progresse à sa vitesse normale. Et la journée passe par différents moments. Mais quand il s'agit du Fils de l'homme, lorsque le Seigneur prend l'exemple du Fils de l'homme, et le jour du Fils de l'homme, il dit en son jour, c'est comme l'éclair qui part d'une extrémité. Et jusqu'à l'autre extrémité. Donc, vous n'allez pas peut-être bien saisir qu'est-ce qui s'est passé entre les deux points. Ça peut échapper à certains personnes. De suivre les détails du parcours de l'éclair. Ils peuvent voir quand ça commençait. Ils seront surpris de voir que c'est déjà fini. Le Fils de l'homme, c'est ça. Le Fils de l'homme, c'est pas ce que Dieu a fait dans le cœur des tissus. Beaucoup d'églises ne maîtrisent pas ça. Si on est les églises, vous verrez. Combien peuvent vous parler de Luc 17 ans? Vous êtes des églises nationales ici. Groupe de prières et de réveil. Zéro! Parlez-leur du Fils de l'homme. Le signe messianique. Ils n'en savent pas grand-chose. Vous avez lu la Bible que nous. Miséricorde. Ah, voilà. Pourtant, il y a un repas là pour les aigles. Il y a une nourriture pour les élus de Dieu. Dans le Fils de l'homme. Likamboya, Fils de l'homme, et Zabilé Yabassan. Mais maintenant, quand ça part ici, ça se montre là, pour la vitesse de l'éclair. Difficile de tracer le chemin par lequel l'éclair est passé. Ça va vite. Et peut-être que vous qui essayez d'expliquer le cet âge de l'église, mais les gens dorment. On explique par où l'éclair est passé. Quand on commence à expliquer le cet âge de l'église, c'est difficile à comprendre. Parce que le parcours de l'éclair est insaisissable. On ne sait pas quand ça commence. On ne sait pas où ça finit. Et après, ce sont les qu'est-ce que c'est. Les questions-là prennent place. Que Dieu nous aide. Vous voyez bien aimé, l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident. Et qui sera le Fils de l'homme en son nom. Si nous revenons à Luc 17, Dieu a encore dit ceci au verset 26. Verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Pela moko na mikolo na Noa ekozala bongo na mikolo na mwana na moto. Miséricorde. Voilà. Verset 28. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Et verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et ce sera le cola, ma tambo oe na mon colo, et comme on en a oe, et que j'ai la liste. Et que j'ai la locola, ma tambo oe na mon colo, et comme on en a, mon en a moto. Le Fils de l'homme en son jour, c'est le verset 24. Mon en a moto, ma colo, j'ai mon en a, c'est pour lui, balé la mienne. Paraîtra! A comme on en a. C'est le verset 30. Ouane, j'ai dit, tout comme ça, tout. Mais quand vous voyez au verset 26. Quand vous voyez, mon en a, tout comme ça, balé la mienne, il est parlé des jours singuliers. Mais il est parlé des jours pluriels du Fils de l'homme. Il est dit, il est parlé des jours pluriels du Fils de l'homme. Mais au verset 22, le Seigneur en promettant, il dit, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Pendant que Jésus était parmi les Juifs, il a manifesté ses jours plusieurs fois. Il s'est révélé en tant que Fils de l'homme plusieurs jours. Il dit aux Juifs, ils avaient rejeté ça. Ils les ont crucifié le Fils de l'homme. Ils l'ont fait souffrir. Ils ont rejeté les dons que Dieu leur avait envoyés. Il a dit, des jours viennent. Vous désirerez un des jours du Fils de l'homme. Mais vous ne les verrez pas. Vous qu'on vous dira, on vous verra errer. Mais la promesse ira aux élus. Dieu tiendra sa promesse envers ses élus. Il y aura un peuple qui verra ce jour du Christ. Béni soit le Seigneur. Ce sont les descendants d'Abraham. Regardez ces jours. Ce qu'il disait dans Jean chapitre 8. Encore au sujet de ces jours. Verset 5 à 6. Abraham, votre père, a tressailli de joie. C'est ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Quand est-ce qu'Abraham a vu ça? Genèse 18. L'événement de Genèse 18 à partir des premiers versets. Allez jusqu'au verset 18. Cet événement-là. C'était le jour du Fils de l'homme. Qu'Abraham, notre père, avait tressailli de joie de voir. Et que Dieu lui avait fait voir. Peut-être pour quelqu'un ici sans dire rien. Il a l'esprit dénominationnel. Amen. Son frère là, cette soeur là, a l'esprit dénominationnel. Dénominationnel. Amen. Profondeur il y a qui Eli est zate. Okoya kokoba na niveau kozanga koyeba oy kozanga koyeba ya soni no benga mi frère ya message. Il faut éviter ça. C'est que tous parviennent à la connaissance de la vie. Ne négligez pas la connaissance. Vous devez connaître et bien connaître la vérité. Regardez ça. Abraham, votre père, a tressaillé. Quelque chose qui a réjoui le vieux Abraham. Et toi, le clair croyant fils d'Abraham. Et toi, je ne te dis rien. Je ne t'intéresse même pas. De mieux connaître ça. La profondeur de la précisément. Non, je doute que tu sois fils d'Abraham. Je douterai. Un fils d'Abraham. Quelque chose qui a fait tressaillir. Concernant le jour du Fils de l'homme. Total et la ça ne te fait ni chaud ni froid. Non, frère. Abraham, votre père. Abraham, tata, a tressailli de joie. Et quand nous parlons de ces choses, des promesses de notre Dieu, des œuvres promises de notre Dieu, les élus sont ses disciples. Ils développent un grand intérêt dans ces choses. Mais les autres, ça ne sert à rien. Le salaire à Punda, le prédicateur à Kotoka Pamba, et au Kota Pété. Il n'est pas là. Le Bétila Masola Mabala, Yuan. Eh, Kolinga Basi, eh, d'ailleurs, même l'homme peut épouser cette femme. Amen! Voilà l'ennemi. Mais parlons de ces affaires ici. Les promesses de Dieu. Il a 15 ans, mais. Notre temps. On attend qu'on habite. Et ce côté-là. Molé Nessi. Bah, amen et Kaouki. Bien aimé. Abraham, votre père. A tressaillé de joie. Lorsque Dieu lui a chuchoté. Je te reverrai. Tu me verras encore. Il a tressaillé de joie. Pour ça. En tant que fils de l'homme. Tu me verras. Et moi je te verrai. Miséricorde. Il a très saillé des choses. Et aujourd'hui, les gens sont froids. Entendre parler du fils de l'homme. Ils sont prêts à somnoler dans la. C'est sérieux, hein? Ça semble les dépasser par-dessus la tête. Comme si on leur parle de la découverte de l'électricité par Albert Einstein. J'ai dit, mais de quoi vous parlez là? Albert Einstein, on est dans les sous. Non. On n'est pas en train de parler de ça. Nous parlons des affaires du Père Céleste. Les choses de Dieu qui sont ici dans la Bible. Jean 8, 56 et Abraham, votre père. Et qui êtes-vous, fils vous? Votre foi émane d'où? Oh! Tous ceux qui se reconnaissent à l'Abraham sont concernés par les jours du fils de l'homme. Si Dieu a privé ça aux Juifs, après qu'ils aient rejeté ça, plus tard ils ont compris l'importance des jours du fils de l'homme. Et ils voudraient revoir. Ils voudraient vivre ça. On a déjà dit, c'est pour sera plus donné. Il ne vous sera plus donné. Pour quelle raison? Parce que Dieu est juste. Il ne parle pas dans le vide. Il parle et il y a un principe derrière. Matthieu 21, verset 43. Pourquoi je vous l'ai dit? Il parle aux Juifs. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Vous voulez profitez-en au contraire. Quand il viendra un temps où vous comprendrez finalement le processus. Ce sera déjà trop tard. Pour se mettre à niveau. Pendant qu'il est temps que chacun profite. Priez Dieu, dites Seigneur, éclaire-moi. Je vais reméditer ce passage. Éclaire-moi, enseigne-moi, Seigneur. Je veux bien connaître ces choses qui sont cachées aux sages. Ce que tu as révélé à ces élus. Le royaume de Dieu enlevé aux Juifs pour être donné à une nation qui va rendre les fruits, donner les fruits de ce royaume. Et cette nation, c'est son église. L'église épouse de Jésus-Christ. L'ensemble des élus. Non, chers amis. Mais on nous a promis. Selon Apocalypse 10. Voilà qui dit faut qu'on aille à nous les philosophes. À la déclaration de Frère Branham. Nous avons un paradoxe. On passe juste le verset 37. Et bah, je ça de Luc 17 toujours. Et là où sera le corps, et que là que s'assembleront les hommes. Dieu est bon. Amenons-nous ici. Poursuivons avec Frère Branham. Après ses commentaires, si on a le on nous a promis selon Apocalypse 10. La Kibiso qu'on a dit la Mounis et les hommes. Selon Malachika. Malachiamine. Et Luc 17. Et nous avons mis ensemble le matou Mbembalé. Et ainsi de suite. Et bongo na bongo. Qu'un Éphésien doit venir pour cela. Effectivement, quoi, c'est n'est pas y'a qu'on a y'a qu'on a. Donc c'est lui qui est promis dans Apocalypse 10. Dans la Kamina et Mounis et les hommes, nous avons ensemble. Il est promis dans Malachika. La Kamina Malachiamine, Mitano, Tenotoga. Il est promis dans à la famille, à l'eau, à la zone, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à la famille, à mais nous, nous allons dans le Saint-Esprit. Amen. L'onction, la colonne de fer. Amen. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Amen. Donc, c'est lui qui est promis dans l'Apocalypse 10. Voilà, comme les mots, les hommes, dans Malachi 4, 5, 6. Luc 17, 22. Luc 17, 30. Luc 17, 30. Qui vient manifester ça. Qui vient accomplir ses écritures. Mais vous dites, mais il a parlé du Fils de l'homme. Oui, le Fils de l'homme dans un Éphésien. Moi, dans la moto. Amen. Amen. Le Fils de l'homme à travers un Éphésien. Mais quel Éphésien, monsieur Éphésien? Chapitre Éphésien, où est-ce que le grand ministère? Et ça, c'est chapitre 4. Un Éphésien. Éphésien, monsieur. Qui viendrait accomplir le ministère du Fils de l'homme? Yokasikawa. Parce que c'est un Éphésien qu'il doit accomplir l'église 30, au ministère 30, au ministère du Fils de l'homme, et le Fils de l'homme est l'incarnation de tous les dons et tous les ministères. Tous les cinq ministères ont opéré en Jésus-Christ. Tous les dons de la parole, ma tous les dons de l'esprit, ma sont en lui. Mais maintenant Dieu nous promet un Éphésien qui doit venir pour accomplir Luc 17 ans. Malachi 4, 5. Élie est un prophète envoyé par l'Éternel. Et cet Éphésien qui doit venir devra être un prophète envoyé par l'Éternel. Mais il doit manifester le jour du Fils de l'homme. Il doit démontrer le jour du Fils de l'homme. Il doit faire voir les choses. Il doit nous faire revivre. C'est un pluriel. Amen. Ici, dans la nation qui doit porter le fruit du royaume, pas une nation stérile, pas une nation stérile, mais une nation fertile qui doit rendre le fruit du royaume. Dites que je suis l'un de parents. Même si je ne fais encore pas grand-chose. Mais Dieu m'a choisi pour ça. Je suis participant. Je suis héritier. C'est vrai. C'est un Éphésien qui devait venir. Alors ne minimisez pas les Éphésiens. Comment on va faire ce temps matin? Comment ça attaque les Éphésiens? Tu attaques déjà le message. On va bondir ça sango. Aux autres bananes, on va attaquer le messager. Vous allez bondir ça mon ami sango. Les autres Éphésiens pluriels, apôtres, prophètes, évangélistes, chacun à son ministère. Ici, il y a un Éphésien particulier. Il vient comme messager. Et il y a la mission de reproduire le jour du Fils de l'homme. Ah, ce n'est pas tout le monde. Mais un Éphésien. Chacun à sa place. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes pas des idolâtres. Nous sommes des croyants bibliques. Allons-y. Tutenda. Cela est promis. Puis-je répéter la phrase? Ça c'est paradoxal. Vous allez penser à dans la prédication, un paradoxe. Et voilà qui dépasse les têtes des gens. Vous allez prendre les camions à bateau. Et il faut qu'on t'a acheté. Amen. Bah ouais, Zambé. Et Kokota Bango. Et Kosuo Esika. Parce que ça concerne les élus. Mais on nous a promis. Et c'est Dieu qui a promis. Non? Selon Apocalypse 10. Et selon Malachi 4. Et selon Luc 17, 30. J'aimerais entendre même nos soeurs Isabelle parler aussi comme ça. Et il y a la connaissance de la vérité. Même quand il parle aux dénominationnels. Parce que tu écoutes les chansons de Mama Chabani. Bali a rabéli, il va avancer pour Mama Chabani. Hein? Non, man, Patrice Mouimoussongo. Oh, miséricorde. Mama. Vous avez compris, hein? Vous n'avez pas compris, hein? Vous n'avez pas compris, hein? Sœur Pépé. Mon Dieu. On y a rien, mais ça va être là. Tout est. Amen. On nous a promis. Selon Apocalypse 10. Selon Malachi 4. Et selon Luc 17. Jusqu'au verset 30 encore. Verset 34, enlèvement. Amen. Enlèvement, vous savez, mais n'est pas la parole, Wana. Mais banana, parole, Wana. C'est une nation qui doit rendre les fruits. Qui doit reproduire les œuvres de Christ. Qui doit reproduire Jésus-Christ. Qui doit refléter les œuvres. Oh! Nous sommes une personne. Yébisaka Bango, on nous a promis. Amen. C'est la responsabilité. L'Obaka, on nous a promis. Mais au moins, on nous a promis ça. Verset, on nous a promis. Dans la Bible, on nous a promis. Verset, Apocalypse 10, verset 7. Mystère en Zambé. Amen. Mystère à bon Zambé. Zamba Kosuki Sayango. Amen. Ce qui est pasteur, c'est que le roi de Dieu. Bien l'église, Wana. Amen. Père, il y a un peu de terre à mon Amen. Parce que quand on a la Bible, il y a beaucoup de Bible dans la Bible. Mais je connais ça. Amen. Mais je connais ça. Amen. Bon, moi, je connais ça. Amen. Êtes-vous là? Amen. Non, nous devons connaître la vérité. Nous devons connaître la vérité. C'est le mot que nous avons dit. Qu'un Éphésien doit venir. Cela est promis là. Mes amis. Un Éphésien doit venir. Afin que ce sceptique mystère de la parole. Ce sceptique mystère de la parole. Révélé. Et ça, l'Isambo. L'Ibombami n'habite ni Sambo. L'Ibombami Yaliloba Nazambe n'habite ni Sambo. Et Sengeli et Jupolama. Et Mona Napolé. Et Sabine Yabangpango. Amen. Tout naïe, vous yoga bien? Hein? Il faut yoga bien. Amen. Le septuple mystère. Il bon bami, vous allez bien, il s'en va. Il va commencer à dire, Abbé? Abbé? Vous l'ignez au Lobanini? Ah! Vous l'ignez au Magamayango. Et c'est dans l'âge de l'Odyssée que cela a lieu. Et en gros, il s'en est mis. Éphésiens, il fallait aïa. Âge y a l'Odyssée. Amen. Bandeko, vraiment. On dit qu'on n'y a pas le col à papa, on a un ministère, son victoire, ce que nous disons. Arrêtez l'éternel, il va dire que nous sommes Que nous en sommes là. Avec un limite vali d'attaque là. Mon frère, ma soeur. On est même dans le lobby, hein. Tozande wana katina yango. Katina yango. Mais yango nini ni yo ozo se pelaka na biloko ngana. Moni nga comprendre les yo ozo baka ko baki sima ka muzu. Ozo compliquer nous. On ne complique pas. On commence ça. Hein? Yo yaga na dimana nguna. To commence nao. Yaga, il va n'aga mouke mouke pi, et kokota. Yo yaga, banaga l'oubaga amen. Tu vois, y'a un prédicateur à lui, l'oubaga amen. Batani verse, l'oubaga amen. Et puis après, on commence à faire un aïe. Ce sera plus compliqué. Amen. C'est vrai? C'est vrai. Oh, le message n'est pas compliqué, frère. Non. Ce sont les têtes des gens qui sont compliquées. Bah, ça, là-bas, mi pou ma bé, n'a mi temo ma bé. Ils veulent pas qu'on croit. Les choses simples que Dieu envoie, mais ils ne veulent pas tout compliquer. Là-bas, discussion est en latin. Alors? Je crois que nous sommes juste à l'ombre de l'avenue. Et comme Josué, j'ai fait un commentaire parenthèse. Après, on m'a prêché dans l'adoption. L'adoption, le sermon intitulé le livre de Josué. Est comparable à l'épître aux Éphésiens. Or Josué c'était qui? Le successeur d'un grand maître. C'est lui qui a pris fonction après le départ d'un grand prophète. Ce livre là est comparable à celui des Éphésiens. Donc dans le Nouveau Testament, vous avez les Éphésiens. Dans l'Ancien Testament, vous avez là, Josué. Un grand messager vient, après lui ce sont les Éphésiens. Amen. Il y a l'ombre et la Amen. Et si vous enseignez par les types, c'est parfait. Et si vous il ne faut pas un homme particulier. Mais vous voyez bien comment Dieu fait les choses. Ouais, pour nous présenter à Christ. Il n'y a pas un homme particulier. Mais c'est le Seigneur qui doit nous faire. Dieu a déjà fait ça. Il avait envoyé un Josué. Il suscitera encore des choses. Des Josué pluriels, c'est-à-dire des Ok. Vous voyez maintenant que l'ambiance de la maison de Dieu est là. Amen. Amen. Tout ça qui n'a pas esprit dénominationnel et quand qui dispose au début de la prédication. Et tout influencé dans ces cinq ans. Bon, je vais vous remercier à sa maison de Dieu. Amen, amen. Nos frères et sœurs, Koka Mwate, Nanda Gwazambe Boyende, Tongo Tango Ali Agachaka Mwa Makelele. Amen, amen. Comment est-ce que vous avez fait ce Basoso. Oh, Tongo Mwa Makelele. Parce que ça bouge là à l'intérieur. Il y a la vie dans la parole. Amen, amen. On découvre la vérité, ça fait du bien. Et comme Josué, juste avant qu'un Éphésien soit suscité, c'est ainsi que Jean-Baptiste s'est levé juste avant le prochain Éphésien. Même Jean-Baptiste a télébati Yambo Éphésien Moussoya. Jean-Baptiste est envoyé qui wana à Kokana qui peine à Josué. Amen. Mais Azoua qui est siga avant que ce soit Moussoussou, Azoua est siga. Êtes-vous là? Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Je veux commencer à expliquer beaucoup. Et il nous en est promis un autre. Il a quand même dit ça, Moussoussou. Donc, comme Jean-Baptiste. Et faisait Moussoussou, il fallait y a loco là, Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste était un mec. Mais, il a marché dans l'esprit et la puissance. Et il nous en est promis un autre. Et nous avons entendu la commission. Du 18 juin 1933. C'est vrai? Un autre Éphésien. Et il est prédit ici dans les écritures. Par conséquent, Nabongo, suivez, Bolanda, je pense que Zalekubanzaite, nous vivons de nouveau Zalekubikalifufu, au temps des Éphésiens. Natango la Éphésiens. Amen. Amen. Amen. Amen. Grand restauration. Il a promis de tout restaurer. Il dit par Branham. Je le crois. Nous vivons de nouveau. Au temps de Matango là-bas. Qu'on touche par Éphésien. Amen. Au toucher Éphésien, au toucher messager. Kebaka. Nous sommes au temps de la fin, l'enlèvement approche. Nous vivons de nouveau. Au temps des Éphésiens. L'église peut le dire. Nous vivons de nouveau. Au temps des Éphésiens. Quand quelqu'un va te dire, mais pourquoi votre église ne met pas la connexion de Créfel? Répondez-lui, nous vivons des jours au temps des effets. Que Dieu nous aide, hein. Vous voyez ça? Quand quelqu'un ne nous a pas dit, mais dans votre assemblée, pourquoi vous ne mettez pas les bas du prophète? Répondez-lui, nous vivons des jours au temps des effets. Parce que le message était dit sur le monde bongo. Au temps des Éphésiens. On attend par Éphésiens. Si Dieu existe, il doit établir des Éphésiens. C'est Dieu qui doit établir un autre prophète. Il dit, c'est un nouveau de retour. Et il nous est promis que ceux qui étaient laissés de côté pendant ce temps-là, vous voyez ça? Alors, par le 117, nous avons cet âge de l'église. Et il nous est promis que dans l'âge de l'église, c'est là où il dit, il y aurait un autre Éphésien. C'est vrai. Et nous y sommes. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ lui a fait la promesse. Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. C'est merveilleux, non? Cette nourriture délicieuse que nous avons. Alors, il dit ceci. Oh, miséricorde. Dans le sermon, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je prêchais le 11 septembre 60. Paragraphe 45. Et l'organisation de l'église, la dénomination a échoué. Amen. Elles ne feront pas traverser l'église. Amen. Dieu suscitera un nouveau système. Un système interdénomination. Ce n'est pas d'être organisé par un leader tel. C'est lui le représentant légal. Il y a des moutons en bas au salé là. C'est déterminationnel. Maintenant, c'est le système interdénominationnel. Nous sommes frères. Un seul est notre chef, c'est Jésus. On ne fait pas la promotion de tel et de tel. Jésus-Christ le Seigneur. Écoutez. Un système interdénominationnel par la puissance de Dieu qui fera entrer l'église dans la terre promise. Les organisations et les dénominations sont embrouillées. Chacun suit sa propre théologie. Chacun suit sa propre façon de penser. Mais Dieu prendra son Saint-Esprit et suscitera ses Josué. Amen. Il suscitera ses Josué qui conduiront l'église à la promesse sans être attaché quelque part par des liens dénominationnels. Mais il fera traverser son église. Êtes-vous heureux de manger à la table? Et de traiter avec les Josué. Amen. Comme cette femme-là, Rahab, la prostituée. Elle a de mauvaises réputations. Elle a cru à la commission. Parce qu'elle a dit, Dieu Amen. Elle croyait à la commission de Josué. Nous aussi nous croyons à la commission de William Branham. Et nous croyons que Dieu a établi un corps de commission. Parce qu'il a promis de susciter, c'est Josué pour rien. Josué est belé. Ce sont les Éphésiens. Ce sont les Éphésiens. Ne touche pas les Éphésiens. Ne les attaque pas. Ne les attaque pas. Tu attaques les brésiliens. Tu attaques les programmes de Dieu. Tout le monde est suspect. Amen. Avec Bilobela. Nous voulons entrer au ciel. Je vais lire ici dans les sermons les choses qui doivent arriver. Les sermons, un paradoxe, c'était prêché le 17 janvier. Mais les choses qui doivent arriver, c'est le 5 décembre 1965. Les choses qui doivent arriver. Et ça, c'est à 3 semaines avant la mort de Frère Branham. 3 semaines avant qu'il ne quitte la terre. Il dit au paragraphe 14. Pathétique. Il dit ceci. Maintenant, nous savons que c'est aujourd'hui le jour d'Issaïe où Dieu appelle l'homme à sortir d'une vie de péché pour vivre une vie de service. Alobi Bongo, 3 semaines après cadavre. Et c'est lui. Pensez-y. Maintenant, nous savons que c'est aujourd'hui le jour du salut où Dieu appelle l'homme à sortir du monde d'une vie de péché pour vivre une vie de service. Et au jour où Dieu a répandu son esprit d'en haut, de grands prodiges et de miracles doivent accompagner le ministère de ces jours. De grands prodiges et de miracles doivent accompagner le ministère de ces jours. C'est là que, quand la pluie de la première et seconde saison tombent ensemble, et nous savons qu'il doit y avoir des grands prodiges et des miracles, et ceci est rejeté dans beaucoup de dénominations. Mais je suis vraiment reconnaissant pour ces portes ouvertes par lesquelles j'ai dû passer. Et pour l'inspiration que cela a donné à des jeunes hommes, comme votre pasteur ici, comme votre pasteur, et qu'il leur a fait qu'il... Maintenant que je commence à me faire vieux, et que je sais que mes jours sont comptés, 3 semaines avant sa mort. Maintenant que je commence à me faire vieux et que je sais que mes jours sont comptés, et c'était vraiment compté de savoir maintenant que ces jeunes hommes peuvent prendre son message. Ne dites pas qu'ils sont incapables. Donc ils doivent être rodés à gauche, là-bas, à droite, là-bas. Mais ces jeunes hommes peuvent prendre le message. Ils peuvent. Ils ne sous-estiment pas. Quand Dieu envoie un prédicateur, il ne l'équipe pas. Dieu ne fait pas de demi-prédicateur. Écoutez. Aidez. Et continuer, il dit, ils peuvent prendre son message et continuer à l'apporter jusqu'à la venue du Seigneur. Jusqu'à la venue du Seigneur. Pour bâmer mon message, tiko la koya. Attends, Branham a commis mon nounou. Nikolo na etangami. Atape alongo ninga longo wana. Il y a des jeunes hommes. Amen. S'il ne vient pas dans ma génération. Nkolo a été na ekelam oya na ekeko yanga ekeke oyangai. Suka yena. Mais j'espère le voir. Na bandi komona ye. J'espère. À 3 semaines. Le kubanda komona ye. De son départ. J'espère le voir. Le kubanda komona kolo. Je l'attends chaque jour. Nzali kuzela mikolomiso. Et je veille. Pe nzali kuzela. Je me tiens prêt pour ce moment. Pe na bele mipona tango wana. Mais si le Seigneur ne vient pas dans sa génération, okay, il y a des jeunes gens, des Josué, qui vont prendre ce métier et continuer à la porter. Jusqu'à quand? Amen. Dieu lui-même fera traverser son église. As-tu dit Amen? Est-ce que tu aimes cette vérité? L'as-tu retenu? Va-t-il la soutenir? Voudras-tu combattre pour la maintenir? Que Dieu bénisse ta foi. Maintenant, vous pour la prière. C'est pas infini. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois bien que Satan est là. Oh, l'étendue couchée du soleil. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparue. Elle manifeste le Fils de l'homme. Je le crois. Oh, je le crois. Maintenant, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est parti. Attention. Oui. Quelle heure est-il? Réveille-toi du sommeil. Ce monde est parti. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Il est plus tard que nous ne le pensons. Parlons chacun à Dieu notre Père. À l'humilité de nos cœurs. Qu'il nous fasse cette grâce de connaître la vérité. De retenir la vérité. De soutenir la vérité. De la maintenir même quand vous la ramenez. Que Dieu te bénisse. Prions chacun. Psalm numéro 23. Sauveur divin, oh, écoute, écoute-moi quand je prie, oh, perdonne mes péchés pour laisse-moi dès ce jour être à toi. Et ta grâce infinie au fort fait mon cœur faible, inspire-moi seul, comme tu mourrais, car tu mourrais pour moi, que mon amour pour toi, pire chaud et chaud, je sois un feu vivant. Dieu ramasse ma vie. Dieu ramasse ma vie. Les épreuves m'environnent. Sois mon seul guide, change les ténèbres un jour, change les ténèbres un jour, exprime-la de pardonner mes esprits, jamais m'éloigner de toi. Dieu merveilleux et tout puissant. Et tout cœur, nous te disons merci. Nous adorons et élevons ton nom. Nous sanctifions Dieu. Dieu de miracles. Dieu vivant. Dieu immuable. Toi, le rocher des âges. Toi, le sauveur de tous les hommes. Principalement des croyants. Toi qui veux que tous soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Fais nous connaître ta vérité. Enseigne-nous tes choses, enseigne-nous tes voies, enseigne-nous tes statuts, enseigne-nous ton évangile, enseigne-nous ton message, enseigne-nous tes œuvres et tes réalisations. Tu es l'auteur de réalités infaillibles, tu n'es pas l'auteur de fictions des imaginations, tu es celui qui crée des choses. Que ton nom soit élevé, Seigneur, reçois les prières de chacun de nous. Et donne-nous la foi dans la commission, l'attachement à l'œuvre de Dieu, et savoir écouter les appels. Quand il proclame finalement, donne cette grâce à chacun de nous. Continuez à écouter le message. Continuez dans la continuité du message. Continuez dans ce que Dieu a prévu. Oh Seigneur, sans dénomination, sans fanatisme, nous voulons suivre ta voie. Nourris-nous chaque jour. Nous t'attendons chaque jour. Nous attendons le retour de Jésus. Comme l'avait fait William Branham. Il a fini sa course. Il a passé nos jours, notre temps. Tu nous apprêtes. Frère Branham, c'était mes préférés. Chacun de nous s'est fait. Le jour de ton retour. Merci pour le Fils de l'homme. Merci pour le jour du Fils de l'homme. Merci pour la révélation de Vitalon. Merci pour la manifestation de Vitalon. Merci pour toutes les promesses de Vitalon. Merci pour celles que tu accomplis. Branche-nous. Maintenez-nous pour ne jamais nous éloigner. Alors que nous vivons au temps des vies, de nouveau, nous te glorifions pour la résurrection. C'est l'ordre divin dans l'église. Chaque ministère est à sa place. Chaque croyant est à sa place. Et tu continues cette œuvre jusqu'à l'enlèvement. Perfectionne-nous, Seigneur. Nous voulons que nos frères soient partis. Que nos sœurs soient partis. Que l'œuvre que tu as commencée soit achevée et rendue parfaite. Tu as tout prévu. Que de nous devienne parfait. Tu as tout prévu. Compte lui et compte-le. Compte-la. Compte le groupe. Et ceux qui doivent devenir parfaits sous les ministères, selon la mesure de la stature parfaite, les divers modèles, les talents mesurés, la référence unique. Détourne-nous de toutes les distractions. Occupe-nous aux choses de Dieu. Seigneur, il est plus tard. Nous avons grandement besoin de toi, de ta présence, de la perfection. Sois d'être comme Jésus. Soutiens cette volonté. Exauce nos prières. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir.